sommes connus pendant la belle saison, celle des amours, les beaux envols d'hirondelles, où l'odeur parfumée des fleurs se mêle à celle des arbres des contours nos cités, où les feuilles redeviennent vertes. Les arbres, nu peut-on après retrouve peu à peu la beauté qui fait que la fleur nous enchante, telle une cigale, pour toi, reine de Saba chante. Mais t'es-tu destiné au soir d'un enjeu infertile? Devant ma fenêtre des ombres se glissent. Je me sens si seul, en danger. Où t'es? Dans mon ombre, où t'es? Dans mon ange aux mille lumières. Sors-moi de cette pénombre. Je m'enfonce dans des profondeurs indescriptibles. Mon univers s'entoure des choses insignifiantes et futiles. Souvent le cœur s'endurcit quand il se déchire. Le souffle de ton nom me ravive. Toi qui étais mon seul guide, mon gourou, mes conseils. Quand je dérape, c'est qui me les prodigue? Mon souhait est qu'on consolide. Regarde autour de moi, tout est insipide. Même si comme un roc je suis solide, j'appréhende le soir en rentrant, maman n'est pas là. Que veux-tu que je leur dise le soir en rentrant si j'entends maman n'est pas là? Que veux-tu que je leur réponde si cela arrive que tu sois pas là? Que veux-tu que je leur dise le soir en rentrant si j'entends maman n'est pas là? Que veux-tu que je leur réponde si cela arrive que tu sois pas là? Main dans la main sur les rues de Paname, suffisait qu'on se regarde pour que la braise en nous redevienne flamme. Ève de notre Éden, le mien. La vie sans toi, son foin n'est rien. Mon arc-en-ciel, tous ces moments mémorables et les mots manquent. Chaque sourire solide dans ma mémoire subtile, comme le vent, quand chaque brise captive. L'instant de vie, cette petite sortie des entrailles de nos générations. L'instant présent, au moins le doute omniprésent. Son géniteur à la maison, géniteur ni raison. Maintenant que j'ai mis ton effluve et son essence à l'horizon de mes réveils, pour l'éveil de nos visions. Pour ce bout de moi, par bons aimants, je vaincrai. Mais ma bout de bras, pourquoi aimer si c'est pour derrière souffrir le martyr? Les chagrins à non plus finir, seul, silencieux, grincheux, souffre-deux. Je m'impose un couvre-feu, attends le moment propice que le bon Dieu vienne me punir. À mes souffrances, mettre un terme de cet enfoiré de cupide dont plus être la cible. Me prendre la masse des communs, des mortels, être invisible. Que veux-tu que je...